mes amis, il m'est arrivé un truc plutôt drôlatique hier après-midi. Fait que, avoue que j'étais ici à la radio en train de faire comprendre à un stagiaire qu'il était incorrect de me refuser quoi que ce soit. En gros, je lui avais demandé d'aller m'acheter du schnapps avec son argent. Mmh. Il a refusé et j'étais en train de lui apprendre les rudiments de la politesse en le castrant avec mon couteau suisse. Quand d'un seul coup, le directeur de la radio m'adresse la parole. Eh, perçu, ça fait 4 ans que t'as pas été à la visite médicale du travail. Si t'y vas pas aujourd'hui, je te retire ta carte d'autorisation d'abuser physiquement des animatrices de la radio. Ah non, pas ça! Pas ça, s'il te plaît! Alors, visite médicale. Tout ce que tu veux, mais laisse-moi ma carte d'humiliation des animatrices. Je te prends rendez-vous pour 18h. Ok, tout ce que tu veux. Je me suis vu obligé d'obtempérer mon Christophe. À 18h, j'ai ton rendez-vous. Bonjour, bonjour, je suis Helmut Perchu de la Radio Rock, je viens voir le docteur. Hein? Comment ça, la salle d'attente? Quoi? Il y a 22 personnes qui doivent passer avant moi? Hors de question! Je suis donc rentré directement dans le cabinet du Toubib. Salut le rebouteux, moi c'est Helmut, je suis pressé. Ausculte-moi vite fait et je me casse. Mais j'en ai rien à foutre que tu sois déjà en train d'ausculter quelqu'un. Hé, hey, toi, Zou, hé, hey, ravis-toi, dégage. Voilà, ça y est, il est parti, on y va? Comment ça, tout nu? T'es de la braguette arrière ou quoi? Ah, c'est obligatoire. Le gars, il m'a emmerdé pendant des heures quand il m'a demandé si je buvais de l'alcool et que j'ai répondu que oui, en grande quantité et le plus souvent possible. Il m'a appuyé sur le foie, il m'a demandé si ça faisait mal. Ce à quoi j'ai répondu en lui mettant une baffe, en lui demandant si ça piquait les joues. Ah, il a pas lâché l'affaire, le maroilles. Quand je lui ai dit combien de cigarettes j'ai fumé par jour, il m'a mis une claque dans le dos, ce qui a eu pour effet de me faire cracher un truc bizarre sur le sol. Une espèce de gros pavé vert gluant et solide qui faisait penser à un crapaud sans pattes. Et c'est quand il m'a dit qu'il voulait prendre ma température à l'ancienne en s'approchant par derrière, avec à la main un thermomètre à fion, que tout a basculé, mon cré-cré. Je lui ai fait comprendre que la sensation du thermomètre dans le derrière n'était pas de mon goût. Je le fais comprendre de la façon la plus pédagogique qui soit, c'est-à-dire par l'exemple. J'ai saisi l'extincteur au mur, je lui ai arraché ses fringues et hop là, tout dans la terrine, Dr. Quinn. Eh ben croyez-moi, il a arrêté de m'emmerder après cet épisode. Il m'a signé mon papier d'aptitude au travail, vite fait, bien fait. Du coup, je peux garder ma carte d'autorisation et humilier les animatrices. Oh, j'ai eu chaud. Bon, je vous laisse, j'ai utilisé ma carte. Je crois que j'ai aperçu Linda Lorin dans le couloir. Allez, en vidéo à zen.